Alors, mon pauvre lave-vaisselle, comme ça, tu nous quittes ? Eh ouais, mon frigo sûr, c'est la fin, je suis plus étanche, je lave plus une assiette. Oh, tu vas connaître les joies du recyclage ! Ouais, j'ai peur de ouf, ça fait mal ça, tu penses ? Mais non, regarde-moi, j'en suis à ma deuxième vie et ça m'a fait ni chaud ni froid. Ah ouais, ni chaud ni froid, j'ai compris. Ne jetez pas vos appareils hors d'usage. Tout ce qui fonctionne sur secteur, pile ou batterie, se recycle en magasin et déchetterie. Trouvez votre point de collecte sur écosystème.eco. Écosystème, recycler, c'est protéger. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Les Mamelouks face à la Horde, le Proche-Orient dans la tourmente. Qu'est-ce qu'une Horde ? Le mot a pris le sens d'une troupe d'hommes indisciplinés qui provoque le désordre, qui pille, voire d'un groupe d'animaux qui vivent ensemble, qui ravagent tout sur leur passage. Mais la Horde désigne bien les tribus nomades d'Asie centrale. Selon Littré, le mot viendrait du mongol Ordu. Le camp, la cour du roi, là où le grand camp donne ses ordres, face à la conquête mongole, le Mamelouk s'en va en guerre. Puisque les avant-gardes mongoles parvinrent jusque près de Vienne et à la côte d'Almate, et qu'ils conquirent également à l'ouest de l'Asie, l'Asie mineure turque et la Mésopotamie, occupant à plusieurs reprises la Syrie jusqu'aux confins égyptiens, tandis qu'ils s'emparaient des territoires limitrophes de l'Inde, de la Chine du Sud, ainsi que du nord de l'Indochine, astreignant aux tribus la Birmanie, le Vietnam et le Tiampa, le Sud-Vietnam actuel, et finalement tentaient d'assujettir le Japon et l'insule Inde. La conquête mongole donna aux contemporains l'impression de pouvoir se poursuivre jusqu'aux limites du monde connu, et l'effroi causé par cette puissance gigantesque surgit de rien par la volonté d'un homme, dont l'expansion s'était manifestée par l'effondrement de tant d'empires et la disparition de populations entières, subsista longtemps après la mort de Gengis Khan. Gengis Khan, rien que le nom fait frémir Louis Hamelin en 1955 dans l'émission Heure de Culture Française. Bonjour Marie Favreau. Bonjour. C'est vrai que l'évocation même de Gengis Khan, ou Gengis Khan, vous prononcez comment? Moi, je dis souvent Genghis Khan, mais Gengis Khan. Ah ouais, mais parce que vous, ben oui, mais vous êtes l'historienne spécialiste du sujet. Non, mais bien sûr, il y a, dans ce qui a été évoqué ici, l'idée d'une limite impossible à cet empire. C'est très impressionnant, il faut le rappeler, sur l'étendue de cet empire. Oui, c'est vrai que l'empire est extrêmement vaste. C'est vrai qu'il est impressionnant en taille, puisqu'il va, dans sa plus grande extension, aller en gros de la Corée actuelle jusqu'à l'Europe centrale, jusqu'à la Hongrie, qui va couvrir la Russie actuelle, l'Iran actuel, une partie de l'Inde, de l'Afghanistan, une partie de l'Est de la Turquie. Donc, bon, un des plus grands empires certainement qui ait jamais existé. Mais après, nous, historiens, on aime bien montrer aussi que c'est un empire qui s'est constitué sur un siècle, que l'expansion a été quand même relativement lente dans certaines zones aussi, etc. Donc, de recontextualiser cette expansion et puis de montrer que les Mongols n'étaient pas partis à la conquête du monde dès le départ, mais qu'au contraire, ils avaient des buts assez précis, très, oui, politique en fait, et qu'il faut recontextualiser tout ça, quoi. Et c'est le travail que vous faites, Marie Favreau, vous êtes maîtresse de conférence en histoire médiévale à l'Université Paris-Nanterre, la Horde. Comment les Mongols ont changé le monde, que vous avez publié chez Perrin. D'ailleurs, revenons sur ce mot de horde, parce que c'est spécifiquement lié à ces tribus nomades. Oui, absolument. C'est un terme auquel je tenais beaucoup, parce que d'abord, c'est un terme que je voyais dans mes sources, et c'est comme ça que les Mongols nommaient leur pouvoir. Ensuite, j'ai essayé de comprendre d'où ils venaient, d'abord. Et en Asie, c'est un terme ancien. Il existe pour désigner les organisations nomades. Il existe depuis peut-être le 2e siècle avant Jésus-Christ, même peut-être des occurrences plus anciennes existent, peut-être. C'est une forme d'organisation du pouvoir nomade. Nous, en Occident, ce terme, on le connaît seulement depuis le XIIIe siècle. C'est la rencontre avec les Mongols, en fait, qui fait entrer ce terme dans les langues occidentales, mais aussi dans les langues slaves, sans doute en arabe, sans doute en persan aussi. Du coup, c'était intéressant de voir que ce terme, il était resté tel quel, ils l'ont gardé, en fait. Ces témoins occidentaux, sédentaires de cette arrivée des nomades mongols, ils ont gardé le terme horde pour désigner cette organisation complètement incroyable qu'ils n'avaient jamais vue avant. Parce que ce que vous dites là touche au cœur de votre ouvrage, c'est cette organisation du pouvoir. Ah bah oui, avec une vision sédentaire, les nomades, ça a l'air d'être une sorte d'anarchie. Il n'y a pas de chef, chacun fait ce qu'il veut. Ou alors s'il y a un chef, c'est lui qui domine tout. Et évidemment, il est cruel, sinon ce ne serait pas intéressant. Non, il y a une véritable organisation du pouvoir. Oui, absolument. Ça, c'est un point important de mon travail. Je voulais montrer cette discipline qui, sans cela, on ne comprendrait pas à quel point ils ont pu conquérir au loin, étant toujours en nombre inférieur par rapport au sujet sédentaire. Et puis... aussi, c'est la discipline de toute façon du pastoralisme nomade. Hein, quand on organise des déplacements au long cours avec des troupeaux, avec toutes les familles, là, dans le cadre des hordes, c'est aussi des administrations qui se déplacent avec eux, des artisans qui se déplacent, etc. C'est très organisé. Donc ça, c'est un aspect important. L'autre aspect important, c'est le côté collectif, qui, moi, me tenait à cœur, parce que c'est vrai, quand on voit quand on parle de l'Empire mongol, on pense à Genghis Khan et on pense au Khan, on pense au souverain, on fait des histoires de souverains. Mais en fait, moi, j'avais envie de raconter l'histoire de ce régime, d'un collectif, en fait. C'est un collectif qui se déploie, etc. Et donc, c'est pour ça que ce terme de horde, je trouvais que c'était bien de le garder. Et d'ailleurs, dans ce mot de horde, et c'est le sens qu'a pris le mot aujourd'hui, il y a un côté violent. Systématiquement, c'est réduire l'ensemble d'une population à son aspect guerrier. Donc, il y a le chef, d'accord. Il y a ceux qui autour de lui portent les armes, mais vous avez voulu, vous, Marie Favreau, aller au-delà de ça et saisir une société beaucoup plus vaste. Oui, absolument. Ça, c'était aussi quelque chose que je voyais dans les sources, et je voyais aussi ça décrit par des voyageurs de passage qui disaient, mais ce sont les familles, en fait, les hordes. C'est surtout des familles. Et les missionnaires, par exemple, franciscains et dominicains, qui ont bien connu les hordes, qui nous ont laissé les témoignages précis, disent, mais dans ces hordes, dans ces camps nomades, on voit surtout des enfants et des femmes. Finalement, ils sont plus nombreux que les hommes et on n'est pas en armes dans le camp, etc. Donc en fait, cette image du nomade guerrier, mais qui a évidemment une explication, hein, mais il faut aussi la mettre un peu de côté pour comprendre comment ils sont restés au pouvoir, parfois jusqu'à 3 siècles dans certaines parties du monde, donc dans la zone de la Russie actuelle par exemple, 3 siècles dans des rapports relativement paisibles avec les populations sédentaires, locales, etc. Donc ça, il faut l'expliquer. Et puis il faut le souligner parce que horde associée à ces combattants nomades nous fait penser au pillage, au meurtre et une guerre persistante qui est toujours présente. Non, là aussi, vous montrez que cette histoire s'écrit sur le temps long avec de longues périodes pacifiées. Oui, et c'est vrai aussi que ce qui m'intéressait beaucoup, c'est de montrer comment ils s'étaient intéressés au commerce, aux circulations dans mon travail. Et pour expliquer ce commerce et circulations, cet intérêt qu'ils ont pour les échanges, il fallait aussi sortir de la guerre, et surtout cette idée de guerre perpétuelle qui est pas du tout, ne reflète pas du tout, hein, la réalité. Si l'on voulait trouver un point de départ géographique de cette histoire, où irions-nous ? Alors, on commencerait dans la zone qui est la Mongolie actuelle, donc vraiment au nord de la Chine. Et puis ensuite, on se déplacerait d'une part vers l'est donc et le sud, donc vers la Chine actuelle, puis vers l'Asie centrale, bien sûr. Et enfin, on irait vers toute la zone du nord du monde, comme je dis dans mon travail, de nord de l'Eurasie, qui est la Sibérie, qui joue un rôle très important, hein, dans l'espace mongol. Et on irait jusqu'en Europe. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à cette période-là, vous avez le lien entre le monde chinois, le monde musulman et le monde européen. Les marchands italiens sont présents, les missionnaires, etc. Tout ça mis ensemble par la gouvernance et l'intelligence et des nomades. Voilà. C'est une histoire où la chronologie se mêle à la géographie. 1207, toute la Mongolie, puis la Sibérie méridionale sont conquises. 1209, le nord du Tibet. De 1211 à 1215, c'est le tour de la Chine, de Pékin. 1218, le Kazakhstan. 1220, pour la guerre contre le Karzem, Genghis Khan disposera d'une armée de 200 000 cavaliers. Et ses ennemis seront bien plus encore. 1222, le Caucase, la mer Noire, Dniepr. Temujin, le petit nomade pauvre, est devenu Genghis Khan, le maître du monde. Son empire s'étend de la Chine à la mer Caspienne. Jamais homme n'a dominé autant de territoire, n'a atteint un tel degré de puissance. Alors dans la longue série « Il était une fois l'homme, il était une fois les explorateurs », bien sûr, la chronologie liée à la géographie, Marie Favreau, c'était bon tout ce qui était dit ? Ah, dans l'ensemble, c'était très correct, absolument. À quel moment ces troupes mongoles, cette horde, rencontrent le monde musulman ? Alors très vite, en fait, d'abord les nomades en Mongolie sont en contact des religions autres que le chamanisme et le tengrisme, donc qui sont des croyances, un panthéon de dieux, il y a le dieu du ciel, Tengri, Syrie qui joue un rôle important pour les nomades. Mais ils sont en contact avec les musulmans qui sont sur la route de la soie, hein, qui sont en Asie centrale, assez proches. Donc il n'y a pas de surprise dans la rencontre. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ils vont déjà à l'époque de Genghis Khan, dans les années, à partir des années en gros 1219-1222, conquérir une très grande partie de l'Asie centrale, et la majorité de leurs sujets dans ces zones-là sont des sujets musulmans. Ce qui est intéressant, c'est que ils vont passer pas mal de sortes de contrats avec les villes. Par exemple, des villes comme Kashgar, des villes importantes d'Asie centrale, avec les marchands musulmans dans ces villes, pour dire, voilà, c'est le principe de la gouvernance mongole, on ne vous obligera pas à changer de religion, vous pourrez vous habiller comme vous voulez, vous pouvez continuer à pratiquer votre religion comme vous l'entendez, mais vous soutenez le pouvoir. Donc il y a beaucoup d'accords hein, dans les premiers temps de la conquête, déjà à l'époque de Genghis Khan. Mais ils ont déjà l'expérience de tout cela, parce qu'il y a cette conquête, je reprends ce mot, vers l'Est, il y a la Chine. C'est-à-dire que cet empire de Genghis Khan est habitué à avoir des populations de langues, de religions différentes. Ils savent composer avec cela. Oui, absolument. Donc cette diversité qui est vraiment bon aussi impériale hein, pour la période médiévale, qui a, il l'embrasse, il l'organise sur le plan institutionnel. Et par rapport aux religions, ils ont un regard assez bon, on peut dire ouvert ou si on veut. C'est-à-dire que en fait, à partir du moment où les élites religieuses soutiennent le pouvoir mongol, en échange, les Mongols leur donnent des moins d'impôts à payer. Hein. Ils n'ont pas besoin d'aller au service militaire. Ils ne sont pas intégrés de force à l'armée. Donc en fait, ils considèrent que un religieux a un travail et que du coup, il fait son travail et qu'il ne faut pas l'empêcher de prier pour le pouvoir, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces pouvoirs religieux, ces communautés religieuses, dont les musulmans, très vite vont bénéficier donc de ces exemptions d'impôts et vont réutiliser quelque part l'argent des impôts qu'ils n'ont pas payés pour construire. Pour construire quoi ? Des mosquées, des hammams, pour construire des madrassas, des écoles, etc. Donc, en fait, on a une sorte d'épanouissement en fait, de ces communautés assez vite au XIIIe siècle sous les Mongols. Est-il possible de parler de la horde au singulier ou y a-t-il plutôt des hordes ? Alors, il y a des hordes, en fait. Hein. C'est-à-dire que le pouvoir mongol se déplie d'une manière particulière. Parfois, moi, je parle à mes étudiants, je leur parle de poupées russes, etc. Je leur dis, il y a la grande horde, mais dans cette horde, il y a une autre horde, et dans cette horde, il y a une autre horde, etc. Donc, en fait, les grands chefs nomades se déplacent le long des vallées, principalement, hein, dans toute l'Eurasie, et le long de la Volga, par exemple, c'est une zone que j'ai beaucoup étudiée, ils se déplacent vers le nord en été, vers le sud en hiver, hein, donc c'est quand même 500 kilomètres, lentement, avec les familles, les troupeaux, etc., et constituent donc ce qu'on appelle une horde. Mais ces hordes, entre elles, communiquent, elles sont réparties sur l'ensemble du territoire, et elles sont réparties aussi sur un plan territorial, on ne va pas sur le territoire d'une autre horde, etc. Donc c'est des hordes au pluriel, en fait. Mais la horde, avec un H majuscule, comme je dis dans mon travail, c'est le nom de ce grand régime. Pour moi, c'est le nom de l'empire mongol, d'une certaine manière. Dans cette lecture géostratégique des conquêtes, il y a l'idée de s'accaparer un territoire. Mais là, nous sommes avec des nomades. Quel est l'intérêt de cette expansion ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que les nomades, il y a une notion de territoire aussi. Hein. Ils se répartissent en fonction des lignages, en fonction des positions de pouvoir, ils se répartissent des zones. Mais ensuite, par contre, ne considèrent pas être propriétaires de certaines parties du territoire. On n'est pas propriétaire de l'eau, par exemple, du fleuve. Ça n'a aucun sens pour eux. Voilà. Donc, il y a cette idée simplement qu'on nomadise dans une zone et on se respecte par rapport à ça. Maintenant, dans leur rapport au sujet sédentaire, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'ils restent relativement à distance des zones agricoles, par exemple. Donc, si on regarde comment les Mongols se déplacent dans la vallée de la Volga par rapport aux principautés russes qui sont juste au nord, on voit qu'ils gardent une distance avec ces zones-là parce que, disent-ils eux-mêmes, on ne va pas emmener les troupeaux dans les champs. Donc, ils ont une sorte de compréhension de leur écologique aussi hein, de leur territoire. Dans cette longue histoire de la horde, il y a la question des sources. Marie Favreau, historienne que vous avez déjà cité plusieurs fois ce mot, les sources, retour aux sources, essentiel. Y a-t-il des sources qui sont issues de cette horde ? Oui, absolument. Donc ça a été vraiment le tout début de mon travail. Quand j'étais encore en master, j'ai commencé à essayer de trouver le plus de sources possibles sur ces 13e, 14e, début 15e siècle, sur ces Mongols, notamment dans la partie qui correspond à la Russie et à l'Ukraine actuelle. possible. Et je me suis rendu compte que contrairement à l'idée qu'on a des nomades qui sont sur l'oralité, etc., bien en fait, il y avait énormément de production d'écrits. Il y a une grande tradition de production de textes de chancellerie. Donc, il y a des contrats passé avec, soit avec les communautés, les sujets. Il y a des textes qui renvoient aux impôts, à l'organisation des impôts. Les Mongols font des recensements. Donc, on a des mentions de ces recensements. Et puis, on a effectivement, par exemple, tous les textes de contrats qu'ils ont pu donner à des chefs locaux, par exemple, notamment à des chefs musulmans dans la région qui est la Crimée actuelle, qui était une région très importante dans l'Empire mongol. On aura l'occasion d'en reparler, je pense, tout à l'heure. Et bien, dans cette région-là, aux archives, là-bas, moi, quand j'y ai travaillé il y a une dizaine d'années, plus même, j'ai trouvé des documents qui datent de la période mongole et qui sont conservés. Alors, qu'est-ce que valent ces sources? Ce sont des documents, on l'entend bien, juridiques, face à l'énorme littérature, alors là, qui n'est pas issue de ce monde mongol, mais qui est issue des autres qui regardent les Mongols. Alors, c'est intéressant. D'ailleurs, on a aussi des chroniques officielles produites par les Mongols. En fait, là où on a un peu changé dans l'historiographie, c'est qu'avant on disait, le texte par exemple du grand historien administrateur Rachid ad-Din, qui écrit aux alentours de 1300 en persan, une grande histoire des Mongols, c'est d'ailleurs une histoire universelle, on disait, c'est persan, c'est pas mongol. Mais en fait, aujourd'hui, on vous dirait non, c'est mongol, parce que Rachid ad-Din travaille pour les Mongols, il écrit ça pour le souverain, et il écrit à partir de sources mongoles, simplement, la langue qu'il utilise, c'est le persan, mais vous savez, c'est un empire, donc on utilise tout, d'une certaine manière toutes les langues. C'est pas... Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on réintègre maintenant dans l'histoire, et c'est comme ça que j'ai pu écrire mon livre aussi, des chroniques qui étaient considérées comme étant des chroniques finalement extérieures. Là, on dit, mais non, en fait, c'est la voix officielle des Mongols qui parle par le persan Rachid ad-Din. Ce livre, c'est La Horde, comment les Mongols ont changé le monde, paru chez Perrin. Et puis, dans l'importance à accorder aux sources, il y a la construction d'une image. Et l'image de cette horde est alors très négative dans l'idée de nomades qui arrivent, qui piquent, qui ravagent tout sur leur passage. Ça aussi, c'est un effet de source? Alors, c'est un effet de source en partie, puisque c'est vrai qu'on a des descriptions qui sont en partie certainement vraies, des violences de la guerre, des violences durant les sièges des villes. Mais c'est aussi un effet d'une historiographie nationale, en particulier à partir du 19e siècle, je dirais début 20e siècle, que dans des, soit en Russie, en Iran, que ce soit en Chine, bien sûr, les historiographies se sont développées un peu contre la période mongole. C'est-à-dire que la pire période de leur histoire, c'était la période mongole. Pourquoi ? D'abord parce que les nomades, ça rentre pas dans l'État, c'était l'idée. On forçait les nomades à sédentariser tout au long du XXe siècle. Il y a des millions de nomades qui sont morts au Kazakhstan à cause de ça. Donc, il y avait cette idée, les nomades sont contre l'État. C'est pas une période moderne de notre histoire. Les nomades sont bloqués dans une forme de pastoralisme qui permet pas la production à haute échelle, etc. Donc, il y avait ces idées qui s'y. Et puis en plus, c'était le terme mongol qui déplaisait beaucoup, que ce soit aux Russes, aux Iraniens, mais je veux dire peut-être aussi aux Bulgares, etc. Toutes ces populations-là qui voulaient se définir autour d'une identité avec un nom, une ethnie, etc. Ils se retrouvaient avec une période de presque deux siècles où c'était multilingue, hyper tolérant sur le plan religieux, etc. Donc du coup, ça rentrait pas dans les cases. Et donc vraiment, soit la période mongole était gommée des manuels d'historiographie ou des manuels avec lesquels on enseigne l'histoire aux enfants quand même, elle était dépeinte de manière extrêmement négative. Donc aujourd'hui, on est dans une grande entreprise historiographique qui permet de réhabiliter, mais dans un sens scientifique. C'est-à-dire, on va aux sources et on dit, on peut dire autrement. Et surtout, on peut raconter cette histoire. C'est pas obscur, sans source, etc. On le sent bien à la lecture de votre livre, Marie Favreau, sur la Horde, avec une rapidité du temps de Genghis Khan. J'essaye de le dire bien, mais je le dis pas bien. Genghis Khan. C'est vrai que on va dire que c'est dans les années 1210 qu'il arrive au contact de la terre d'islam. Il ne la connaît pas longtemps, parce qu'il meurt en 1227. Voilà, en 1227. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Il faut comprendre que nous, on pense à l'empire de Genghis Khan, mais lui, il est là au tout début de la fondation de l'empire, et l'empire va se continuer et être créé dans sa plus grande extension, bien sûr sous ses enfants et ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, etc. Donc c'est vraiment une longue histoire de famille. Et Genghis Khan, lui, meurt, en 1227. Donc il y a dans l'Empire un grand pan du monde musulman, c'est disons l'Asie centrale, donc vraiment ce correspond aujourd'hui à une partie du Kazakhstan, de l'Iran, ça c'est dans l'Empire mongol, c'est en train d'être avalé, réorganisé par les Mongols, mais par contre toute la partie Irak, comme on dit Proche-Orient, les Abbassides, les Ayyoubides, ils sont frontaliers mais ils ne sont pas encore dans l'Empire mongol au moment de la mort de Genghis Khan. Et bien sûr, face à une extension, il y a toujours quelqu'un pour s'opposer à cette extension. En 1221, Gengis Khan, à la tête de ses armées encore barbares, envahit l'empire khwarezmien, saccagea Boukhara et Samarcande, et ravagea atrocement, avec des raffinements de cruauté inouïe, les plus belles cités afghanes, ainsi que dans l'Iran oriental, les villes jusque-là si prospères du Khorasan, même plus loin encore, celles de l'antique Médine. En 1231, ses successeurs achevèrent de soumettre la Perse. Et en 1256, un de ses petits-fils, Oulagou, fonda dans ce pays une dynastie mongole locale, laquelle y régna jusqu'en 1335. Toutefois, là encore, la civilisation iranienne fut la plus forte. Causerie radiodiffusée de René Gousset, membre de l'Académie française, historien en 1949, Marie Favreau. Ah bah bien sûr, on parle de la succession de Charlemagne et de l'empire qui se déchire entre ses enfants, ses petits-enfants. Pour l'empire de Genghis Khan, on sent que c'est pas simple non plus. Non, en effet, c'est vrai que les temps de succession sont complexes. C'est des temps assez longs, d'ailleurs. Hein, c'est décrit comme ça dans les sources aussi par les voyageurs, les marchands. Ils disent, ah, là, on passe, il y a un temps. Alors, quand un Khan meurt, on organise une grande assemblée. Les Mongols s'organisent, les hommes, femmes, les personnalités importantes de l'empire se réunissent physiquement dans un lieu. Et on appelle ça le Kurultai, l'assemblée. Ce temps, ça peut durer. Et ce que j'aime bien montrer, moi, dans mon travail, c'est que en même temps, quand ce temps dure, ce temps de l'assemblée, et que la décision n'est pas prise rapidement, c'est bon signe. C'est une forme, je ne vais pas dire de démocratie, mais quand même, ça veut dire qu'il y a des discussions, ça veut dire que on n'est pas dans une dictature où justement on passe d'un y a un souverain imposé à un autre, etc. Donc, simplement, c'est aussi des temps où les conquêtes s'arrêtent, par exemple. C'est des temps où il y a des formes de désorganisation dans certaines régions, etc. Donc là, dans toute cette zone, justement, frontalière de l'Irak actuel, ça va être un moment où il y a des choses qui vont se passer. Les Abbassides, les Ayyoubides vont réagir par rapport à l'arrivée des Mongols tout près. Hein, donc, voilà. Ah oui, parce que bien sûr, la menace est connue, c'est aussi quelque chose qu'il faut souligner. Tout cela n'est pas quelque chose d'obscur, c'est bien connu, ce qui se passe avec la Horde est observé. Absolument, ils sont très au courant. À l'époque, ils savent très bien que donc il y a un grand empire dont on a entendu dans l'extrait khwarezmien, donc le Khwarezm, comme on dit, qui était le grand empire d'Asie centrale, le grand empire musulman, qui correspond en gros à l'Iran actuel, qui était vraiment sur la frontière avec l'Irak. Et cet empire-là vient de s'effondrer et vient d'être intégré à l'Empire mongol. Et ça, évidemment, les Abbassides, qui n'ont absolument pas soutenu cet empire, avec lesquels ils étaient en très mauvais termes. Hein. Le sultan du Khwarezm avait essayé d'envahir Bagdad à peine juste... Il s'était arrêté parce que les Mongols arrivaient, parce qu'il y avait un hiver très dur aussi, etc. Mais bon, donc c'était dans le monde musulman, entre souverains, il y a quand même des tensions très très fortes aussi. Donc au début, ils voient les Mongols arriver d'un œil plutôt positif pour certains. En tout cas, les Abbassides se disent, c'est très bien, ils vont nous débarrasser de ce voisin extrêmement gênant. Donc voilà. Après, dans un deuxième temps, les réfugiés arrivant aussi, ils commencent à se dire, bon, il faut qu'on organise nos relations politiques et économiques avec ce nouveau voisin extrêmement puissant. Et les Abbassides envoient à la cour mongole, donc ça c'est après Genghis Khan, vont envoyer des émissaires et des cadeaux pour un des successeurs de Genghis Khan qui s'appelle Güyük, dans les années 1240. Donc les Abbassides commencent à entrer dans une relation, on va dire, diplomatique avec les Mongols, très vite en fait, hein, avant qu'il y ait le contact militaire entre eux. Oui, parce que le contact militaire n'est pas évident, au sens où on imagine la conquête qui arrive et puis confrontation militaire. Non, il y a toute une préparation avant avec des échanges diplomatiques, dites-vous, parce que cette région, allez, on va dire l'Irak et l'Iran aussi, parce qu'on pourrait l'englober, de haute civilisation, c'est une région, j'imagine, que les Mongols regardent avec intérêt. Il y a toujours cette fascination pour ces pôles que sont les cités Bagdad. Alors moi, je vous dirais non. Je ne crois pas du tout qu'il y ait de fascination pour ces pôles-là. Je pense que c'est tout autre chose qui se passe et qui se joue là. En fait, ce qui intéresse le plus Genghis Khan et ses premiers successeurs, c'est vraiment de contrôler tous les nomades du monde, on va dire, de leur monde connu. C'est-à-dire qu'eux sont après les nomades. Pour eux, le vrai pouvoir, c'est le pouvoir nomade. Donc en fait, quand ils entrent dans l'Asie centrale, quand ils vont jusque vers l'Irak, c'est pas du tout pour conquérir des villes en particulier. C'est pas après ça qu'ils en ont. Ce qu'ils veulent, c'est soumettre les nomades, en particulier des populations dans les montagnes aussi, près de l'Irak actuel. C'est eux qu'ils ont vraiment en ligne de mire. Et ensuite, ils ont l'idée, à partir des années 1250, très clairement, d'aller jusqu'en Égypte. Mais qui est-ce qu'il y a en Égypte à ce moment-là? Les Mamelouks. Et les Mamelouks, c'est des gens qui sont d'origine nomade. C'est ce qu'on appelle des Kipchaks. Hein. Donc, c'est des tribus nomades qui sont vraiment considérées comme des ennemis par les Mongols. Donc, c'est ça qui les intéresse beaucoup plus. Et c'est pour ça que finalement, ils n'ont pas essayé de raser Bagdad, contrairement à ce qu'on a dit. Ils ont jamais essayé d'entrer vraiment à Constantinople, alors qu'ils auraient très bien pu. Vienne ne les intéressait pas du tout, etc. Non, ce qui les intéresse, c'est de mettre vraiment, de soumettre tous les nomades de la Terre. C'est très intéressant ce que vous dites là, Marie Favreau, parce que c'est une déconstruction, en fait, d'une lecture qui voudrait que les conquêtes, c'est toujours pour avoir un objectif, une ville prestigieuse et riche. Vous dites que là, il faut inverser, en fait, la lecture et les objectifs de la Horde. Oui, en fait, c'est vrai que moi, j'avais dit dans mon travail, et je l'assume, c'est cette idée que finalement, ces conquêtes de villes, ces conquêtes de Bagdad, par exemple, c'est un peu un effet secondaire d'une autre conquête qui se joue et d'un autre rapport de force qui se joue entre les Mongols, qui, pour lesquels, en plus, le califat, à ce moment-là, c'est un tout petit pouvoir. Pour eux, c'est bien sûr, il a une force symbolique importante, les Mongols sont parfaitement au courant de ça, et d'ailleurs, ils vont prendre des mesures très particulières pour exécuter le calife, etc., donc ils ont un respect et une peur envers cette institution, mais ça n'empêche que pour eux, c'est un tout petit pouvoir. Donc à partir du moment où ce petit pouvoir ne collabore pas avec eux, parce que c'est ce qui se passe en fait, le calife dit non, moi je n'entre pas dans les armées mongoles pour attaquer d'autres musulmans, c'est quand même un peu problématique. Et à partir de là, les Mongols disent, le contrat entre nous est rompu, vous passez dans le camp des ennemis, donc on vous intègre directement à l'Empire. Mais leur but n'était certainement pas Bagdad. Le but n'était peut-être pas Bagdad, mais face à l'avancée des Mongols, voici les Mamelouks. Les Mamelouks évoquent, pour ceux qui ont un peu entendu parler de l'histoire du Moyen-Âge, une période très étrange, où ce sont des esclaves qui étaient des maîtres, des gens qu'on achetait sur le marché, des espèces de chevaliers en puissance, si je puis dire, car à peine achetés pour leur qualité physique sur des marchés lointains du côté de la Caspienne, dans le pays qui était soumis à ce moment-là à la Horde d'or, on les amenait dans des casernes sélectionnées, privilégiées, au Caire, et très vite, c'était parmi eux que le souverain se choisissait non seulement ses grands capitaines, mais généralement son successeur. C'était en 1950, cette présentation des Mamelouks par Louis Massignon, professeur au Collège de France islamologue. Bonjour Julien Loiseau. Bonjour Xavier Mauduit. Alors cette présentation des Mamelouks, vous la validez, comment vous allez nous définir ces Mamelouks? Qui sont-ils? Alors, je crois que Louis Massignon avait bien saisi et bien mis en lumière le paradoxe qui nous frappe encore aujourd'hui, hein, de ces esclaves devenus maîtres. Maintenant, évidemment, pour nous, il faut essayer de replacer cette histoire-là dans un contexte à la fois immédiat, celui de la formation de l'Empire mongol qu'évoquait à l'instant Marie Favreau, et puis dans une histoire plus longue, celle de l'institution Mamelouk, justement, qui, au moment où les Mamelouks vont affronter les Mongols, cette institution, elle a déjà plus de 3 siècles et demi, presque 4 siècles d'histoire. Cette institution qui consiste à donc recruter la garde prétorienne des souverains parmi des esclaves choisis précisément pour leur qualité martiale supposée et formés aux arts de la guerre, et surtout dans la fidélité à mort à leur maître. Est-ce que l'arrivée des Mongols change la place des Mamelouks? On leur donne un nouveau rôle? Alors oui, en ce sens que la formation de l'Empire mongol, le processus même des conquêtes qu'évoquait à l'instant Marie Favreau, provoque un changement d'échelle dans le recrutement des Mamelouks, tout simplement parce que les Mongols, par leur conquête notamment dans ce que les géographes de l'époque appellent la steppe Kipchak, disons l'actuelle Ukraine, le sud de la Russie, peuplée par ces populations turcophones qu'on appelle donc les Kipchaks, cette conquête de la steppe Kipchak fait affluer sur les marchés aux esclaves un nombre sans précédent hein, de captifs, entraînant donc un changement d'échelle hein, des régiments mamelouks. Les régiments mamelouks, on peut vraiment dire que ce sont eux qui sont vraiment envoyés face aux Mongols. C'est-à-dire que face à un empire aussi imposant et qui fait frémir, hein, ne serait-ce que le nom, mais j'imagine qu'il y a aussi cette volonté-là de la part des Mongols. Vaut mieux faire peur plutôt que de combattre. Est-ce que l'on pense que ces mamelouks vont pouvoir arrêter l'avancée des Mongols ? Alors en fait, on n'envoie pas les mamelouks combattre les Mongols. Les mamelouks prennent le pouvoir en Égypte en 1250, dans un contexte qui est tout autre, qui est celui de la croisade, de l'arrivée en 1249 dans le delta du Nil des chevaliers qui accompagnent le roi de France Louis IX. C'est dans ce contexte-là que les mamelouks prennent le pouvoir, établissent un régime nouveau qui a très peu de précédents, qui en a quelques-uns, mais qui a quand même peu de précédents en terre d'islam, et qui tente tant bien que mal de se stabiliser au cours de la décennie 1250 en affrontant les derniers héritiers descendants de Saladin qui contrôlent encore la Grande Syrie, la Syrie au sens large. En fait, le sultan du Caire en 1260, qui est un mamelouk et donc un ancien esclave soldat, dont les principaux officiers sont des esclaves soldats, se place à la tête d'une armée pour aller affronter les Mongols, mais c'est au fond, c'est la survie du régime qui est en jeu dans cette bataille. Donc les Mamelouks jouent leur peau au fond hein, face aux Mongols, jouent leur pouvoir en Égypte, jouent la domination qu'ils ont réussi tant bien que mal à établir au cours de la décennie 1250 sur ce qui reste alors à l'époque la province de l'ancien empire islamique la plus peuplée, la plus riche. Du Proche-Orient. Marie Favreau, c'est vrai qu'il faut faire un peu de géopolitique. Bagdad, c'est cette ville qui a tant fasciné. Alors vous nous avez bien dit que pour les Mongols, Bagdad n'a sans doute, et c'est certain, pas la même signification que pour le reste du monde. Le 10 février 1258, la Horde prend Bagdad. Dans cette prise de Bagdad, c'est vrai que nous avons, nous, cette image d'une rupture absolue, c'est-à-dire c'est la prise de Bagdad, mais Bagdad n'est peut-être plus à ce moment-là ce que la ville a pu être par le passé. Oui, c'est certain. La ville est affaiblie. De toute façon, les Abbassides eux-mêmes, après avoir connu tout de même de très grands califes hein, en ce début de XIIIe siècle, au moment vraiment précis où les Mongols entrent dans la ville, la ville est déjà affaiblie. C'est sûr. Mais bon, néanmoins, c'est vrai que incontestablement, c'est une rupture avec une organisation géopolitique. C'est une rupture aussi parce que les Mongols visent clairement la fin des Abbassides. C'est-à-dire que pour eux, si je reviens vraiment aux sources, c'est plutôt que de raser Bagdad, etc., des choses qu'on entend, au contraire, parce qu'ils vont tout faire pour faire reconstruire la ville très vite. Ce qu'ils veulent, par contre, c'est que ce soit la fin des Abbassides. Et donc, ils vont essayer de se débarrasser de tout le lignage abbasside. Et donc, ils vont évidemment complètement perturber la centralité du monde musulman. Et ça va aussi avoir des effets très intéressants à long terme sur la réorganisation du monde musulman. L'importance que va prendre le Caire, par exemple, c'est évidemment lié au fait que Bagdad va être une ville parmi d'autres dans l'Empire mongol. Toute la famille est massacrée, ce qui signifie aussi qu'il y a une connaissance très intime de ces rivalités de pouvoir et ces rivalités dynastiques. Oui, les Mongols sont très bien renseignés dans la mesure où ils sont entourés de conseillers musulmans qui, d'ailleurs, il va y avoir une discussion entre un conseiller astronome sunnite qui va dire qu'il ne faut pas toucher au calife, un autre qui est quelqu'un de très connu qui s'appelle Nasir ad-Din Tusi, qui est chiite et qui est un grand, grand scientifique, un grand astronome musulman, qui va, lui, au contraire, dire non, on peut très bien se débarrasser du calife, on peut faire sans. Et en fait, il ne faut pas trop voir cette constitution de l'Empire mongol contre les musulmans d'une certaine manière, mais c'est plutôt leur manière à eux d'intégrer le monde musulman dans leur propre structure. Ils vont être changés aussi par ça eux-mêmes. Hein, ça va les faire. Les souverains mongols vont se convertir à l'islam très vite. Donc c'est très intéressant de voir comment ils utilisent ces forces politiques et ces tensions au sein du monde musulman pour servir leur propre pouvoir. Hein. Julien Loiseau, la prise de Bagdad en 1258 par les Mongols, c'est une chance pour le Caire ? Alors, c'est une chance, effectivement, c'est une chance, mais comment dirais-je, qui s'inscrit déjà dans un renversement du rapport entre les deux villes. Bagdad décline déjà depuis au moins le milieu ou la fin du XIe siècle. Le Caire est devenu probablement le centre économique du monde islamique à partir du XIe siècle. D'une certaine manière, la prise de Bagdad par les Mongols vient acter un déplacement du centre de gravité du monde islamique, centre de gravité économique bien sûr, mais aussi politique et également intellectuel, centre de gravité qui désormais s'inscrit au Caire pour deux siècles et demi jusqu'à la conquête ottomane. Alors, pour autant, même si, et Marie Favreau a raison de le réviser aujourd'hui, on regarde autrement la prise de Bagdad par les Mongols, il n'y a pas de volonté de destruction complète de la ville, il y a tout de même des massacres importants, mais il ne faut surtout pas sous-estimer le tremblement de terre que représente la prise de Bagdad et surtout l'exécution du dernier calife abbasside de Bagdad. Et c'est peut-être là que réside justement la chance historique du Caire, en ce sens que en abattant le califat, les Mongols, sans peut-être d'ailleurs le mesurer, ouvrent des opportunités politiques. Ouvrent des opportunités politiques où un certain nombre de souverains cherchent d'ailleurs à se glisser. Hein. Le sultan du Yémen, le sultan de Tunis essayent d'occuper le vide créé par la fin du califat abbasside de Bagdad, mais ce sont effectivement les Mamelouks au Caire, le Caire qui va profiter de ce vide, de cette opportunité politique inédite, inattendue, qui s'ouvre à partir de 1258. Julien Loiseau nous présente un monde de l'islam tel qu'il est, avec des divisions, surtout après la prise de Bagdad. Marie Favreau, qu'en est-il de ce monde des Mongols, avec cet empire si grand, et puis la disparition depuis longtemps maintenant de Gengis Khan, c'est un monde qui risque de se fracturer, ou y a-t-il une grande surveillance pour éviter justement que tout implose ? Alors non, effectivement, dans le monde mongol, à la même période, hein, vraiment dans cette fin des années 1250, début 1260, on est aussi, il y a des tensions fortes entre les descendants de Genghis Khan, et en particulier une tension très forte entre ce nouveau pouvoir qui est en train de se constituer dans la zone dont on parle là, ce qu'on appellera par la suite les îles Khanides ou les îles Khanides, hein, fondées par Ulegu, petit-fils de Genghis Khan. Et en fait, dans cette zone-là, il y a une confrontation avec une autre partie, un autre lignage mongol, le lignage qui est issu du fils aîné de Genghis Khan, il s'appelle les Jochid, mené par un souverain qui s'appelle Berke, et qui est le premier souverain mongol à se convertir à l'islam. En réalité, il est sans doute eu une éducation musulmane. On pense que sa mère était une grande princesse khorezmienne, hein, d'Asie centrale. Ce souverain, donc musulman, au départ, prend lui aussi part avec ses troupes, ses troupes prennent part à la prise de Bagdad, etc. A priori, nous dit-on, il aurait été contre l'exécution du calife. Mais une fois que le calife n'est plus, une fois qu'il n'y a plus d'Abbasside, en tout cas en tant que vrai pouvoir politique, bah, du coup, ce souverain mongol-là, qui est basé dans une zone qui correspond à le sud de la Russie actuelle, le sud de la vallée de la Volga, ce souverain dit, moi je suis un souverain musulman, mongol, certes, mais musulman. Et donc, moi aussi, je vais avoir ma place hein, dans cette nouvelle géopolitique que Julien Loiseau a très bien décrit, en montrant que chacun va se positionner différemment, puisqu'il y a un vide du pouvoir. Hein, voilà. Donc, il y a aussi cette tension qui va monter au sein de l'Empire mongol entre ce souverain musulman qui est au niveau de la Russie actuelle, et cet autre souverain petit-fils de Genghis Khan qui se trouve au niveau de l'Irak actuel, qui lui, a priori, ne se convertit pas du tout à l'islam, ne va pas du tout dans ce chemin-là. Donc il y a une tension très forte entre ces deux souverains-là. Et cette tension-là, elle va aller jusqu'au... Il va y avoir des batailles, etc. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ces souverains du nord de l'Empire mongol, ces Jochid, se tourner vers les Mamelouks, en fait, pour faire une alliance avec ce pouvoir musulman avec lequel ils ont beaucoup en commun sur le plan aussi économique. Voilà. Ça fait du bien d'entendre ça et pas une lecture vraiment binaire de deux entités qui s'affrontent, un monde musulman et un monde mongol qui se rencontreraient. On voit que c'est beaucoup plus complexe. Julien Loiseau, 1258, c'est la prise de Bagdad par les Mongols, mais ils ne s'arrêtent pas à Bagdad. Ils avancent. Les Mamelouks ont un rôle dans cette vaste histoire d'expansion de cette conquête mongole. C'est qu'ils y mettent fin. En fait, en tout cas, ils mettent une limite. Oui, tout à fait. Marie Favreau l'a rappelé, probablement l'objectif des Mongols était l'Égypte, peut-être pas seulement pour contrôler la masse fiscale que représentait la population de la vallée du Nil, mais pour abattre ce pouvoir d'origine nomade, d'origine paradoxalement nomade hein, que sont les Mamelouks, passés par ce filtre de l'institution de l'esclavage militaire. Mais ce sont eux, effectivement, qui, à partir de 1260, vont bloquer l'avancée des Mongols, vont la bloquer dans le nord de la Palestine, à la suite d'une bataille très importante pour les Mamelouks, peut-être moins pour les Mongols, mais c'est vraiment cette bataille qui fonde la légitimité du régime militaire Mamelouk pour plus de deux siècles. Leur victoire donc à la bataille de la source de Goliath à Ain Jalut en septembre 1260. Alors cette victoire des Mamelouks, à la tête d'ailleurs d'une armée assez hétéroclite, hein, avec donc ces archers montés que sont les Mamelouks, mais également avec des cavaliers bédouins, turkmènes, kurdes, bref, tout ce que le maître du Caire a pu rassembler sous sa bannière. Cette victoire ouvre la Syrie-Palestine aux Mamelouks. Et c'est là aussi que réside l'héritage de cette victoire, c'est que pour près de deux siècles et demi, l'ensemble formé par l'Égypte et la Syrie sont durablement unifié sous la tutelle du sultan du Caire. Et c'est la conséquence immédiate et lointaine de cette victoire des Mamelouks sur les Mongols en 1260, qui est suivie de plusieurs autres affrontements jusque dans les années 1280, mais qui se solde hein, par plusieurs victoires des Mamelouks qui consolident leur position en Syrie. La Syrie reste exposée aux attaques mongoles jusqu'au début du XIVe siècle, mais disons que désormais, hein, Égypte et Syrie ont leur destin lié pour longtemps, comme elles ne l'ont jamais été jusque-là dans l'histoire. On sent bien hein, que cette avancée des Mongols, cette prise de Bagdad, étant d'événements, ont des répercussions sur le très long terme, des répercussions géopolitiques, les Mamelouks face à la Horde. Oui, c'est le Proche-Orient dans la tourmente. الجانب الغربي من بغداد هو الذي عمر أولا وهو الآن خراب أكثره وعلى ذلك فقد بقي منه 13 ناحية كل ناحية كانت مدينة وفي ثمان منها المساجد الجامعة. والجهة الشرقية من بغداد حافلة بالأسواق عظيمة الترتيب، وأعظم أسواقها سوق يعرف بسوق الثلاثاء، تنفرد فيه كل صناعة بركن خاص بها. L'Irak, la Perse, les Mongols, les Mamelouks, dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares et Anna Holweck. Avec aujourd'hui à la technique Florent Bujon, nous nous intéressons à ce qui se passe dans cette conquête des Mongols. Ils avancent, ils s'arrêtent, mais Marie Favreau, il reste aussi. Ce qui est très important à noter, ce n'est pas tant la bataille sur le temps de la conquête que plutôt ce qui est mis en place. Et c'est là où votre travail, La Horde, comment les Mogols ont changé le monde, nous montre combien ce que vous avez appelé l'organisation du pouvoir nomade, en fait, s'applique concrètement. Oui, effectivement, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que même dès cette période qu'on peut appeler de conquête, ces périodes où il y a donc à Anjalout, 1260, les Mongols sont dans l'esprit de rester. Et en fait, même une partie des Mongols qui ont quitté la zone qui correspond à la Mongolie actuelle se retrouvent installés dans ce sud de la Russie, par exemple, hein, les Djotchis sur lesquels je travaille, ils n'y retourneront jamais en Mongolie. C'est-à-dire que vraiment, il y a cette idée de s'installer dans ces zones-là. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant de montrer que c'est ça permet d'expliquer pourquoi ils ne sont pas dans cette optique de raser, piller, massacrer, etc. Ils veulent s'installer et avoir plus de sujets, comme ils disent. La vraie richesse, c'est les hommes, c'est les populations. Ce n'est pas des terres à perte de vue, ça n'aura aucun sens. Et par ailleurs, dans ces rapports avec les Mamelouks, il y a quelque chose de très intéressant qui se passe autour de cette fameuse bataille de 1260, qui est effectivement une défaite pour les Mongols. Bon, ils en ont connu d'autres, certes. D'un autre côté, elle était attendue d'une certaine manière, cette défaite, parce qu'il y avait peu d'armées mongoles sur le terrain à ce moment-là. Seul un contingent était resté parce qu'ils étaient en train de réorganiser la succession sur le trône de Genghis Khan à ce moment-là. Le souverain Monké était mort et donc il fallait justement la grande assemblée se réunit, ça prend du temps, il y a des tensions politiques, etc. Donc les Mongols du coup s'étaient un peu détournés de cette zone, voilà. Donc cette défaite militaire, elle a clairement compté, mais ensuite je pense que ce qui est très important, c'est de voir que au nord de l'empire mongol, c'est Djotchid, eux qui sont le souverain est donc converti à l'islam, eux décident de se tourner vers les Mamelouks et de créer une alliance en fait avec les Mamelouks, presque contre les autres lignages mongols d'une certaine manière. En tout cas, ça permet de stabiliser la frontière. C'est-à-dire que les Mongols ne mettront plus jamais toutes leurs forces militaires contre les Mamelouks ou pour essayer à nouveau d'entrer en Syrie et d'aller jusqu'à l'Égypte. Il y a toujours une partie des Mongols au nord et pas la moindre, hein, c'est une partie très importante, les Djotchides, la horde qu'on appelle Horde d'Or aussi, qui dira non, avec les Mamelouks, on est en relation de paix, on est en relation d'échange économique aussi, et le fait qu'une grande partie des esclaves militaires Mamelouks viennent des terres de la Horde d'Or, des fameuses steppes Kipchak dont Julien Loiseau a parlé, évidemment aussi un enjeu important explique ces relations finalement paisibles et au long cours entre les Mamelouks et le nord de l'Empire mongol. La Horde d'Or, les héritiers de Genghis Khan, c'est votre ouvrage à Marie Favreau, avec cet espace, Julien Loiseau, qui, parce qu'on parle beaucoup de géographie, est très symbolique. Ce qui est dominé par les Mongols, ce sont les lieux saints de l'islam. Est-ce que pour les Mamelouks, il y a la volonté de reprendre ces territoires ? Non, alors les lieux saints de l'islam sont restés hors de portée hein, des armées mongoles. Bagdad, c'est un héritage politique et culturel, mais au fond... ça n'est pas une ville sainte, même si des lieux saints très importants de l'islam chiite se retrouvent sous domination mongole en Irak. En revanche, les Mamelouks vont investir beaucoup de leur pouvoir pour prendre le contrôle indirect ou tenter de maintenir un contrôle indirect sur les villes saintes de l'islam, sur la Mecque et Médine, mais aussi sur Jérusalem. Et précisément, la défaite des Mongols à Anjalout en septembre 1260 permet aux Mamelouks de prendre le contrôle de Jérusalem et permet à Jérusalem de connaître une période de paix très longue et de prospérité qu'elle n'avait pas connue depuis très, très longtemps. Et c'est vrai que ces villes contrôlées par les Mamelouks sont des éléments très importants du discours en légitimité politique de ces souverains et de cette aristocratie militaire qui est en partie d'origine servile et née hors des frontières du monde de l'islam, en tout cas née dans des familles non musulmanes. Il y a donc là tout un usage dans le discours officiel du sultanat mamelouk de ce rôle de serviteur des lieux saints, de protecteur du pèlerinage à la Mecque, de serviteur et de protecteur également de Jérusalem, qui sont autant, disons, d'atouts hein, dans la légitimité islamique toute neuve de ces anciens esclaves soldats. Julien Loiseau, vous l'avez rappelé avec justesse, hein, sur cette période, il y a également les croisades. Il ne faudrait pas avoir un effet loupe et ne voir que l'affrontement entre les Mamelouks et les Mongols, parce qu'au même moment arrivent des chevaliers. Alors qu'en est-il de Bagdad en 1326 ? C'est vrai que là, nous sommes bien longtemps après la prise de Bagdad par les Mongols. Et là, c'est un voyage d'Ibn Battuta à Bagdad. الجانب الغربي من بغداد هو الذي عمر أولا وهو الآن خراب أكثره وعلى ذلك فقد بقي منه 13 ناحية كل ناحية. Le côté occidental de Bagdad est celui qui a été fondé le premier, mais il est maintenant presque en ruine. Malgré cela, il en reste encore 13 quartiers, dont chacun ressemble à une ville et contient 2 ou 3 bains. 8 de ces quartiers possèdent des mosquées. Le côté oriental de la ville offre une disposition magnifique et abonde en bazar. Le plus grand de ces marchés est celui du mardi, où tous les métiers ont leur lieu séparé. Ibn Battuta, qui se rend à Bagdad après son pèlerinage, nous sommes en 1326-1327, Marie Favreau, à Bagdad, c'est plus du tout ce que c'était, mais les Mongols eux-mêmes, que sont-ils devenus ? Que reste-t-il du nomadisme, par exemple ? Alors, plusieurs choses. Donc, les Mongols ne se sédentarisent pas, ils sont toujours nomades. Néanmoins, dans cette région-là, on sait par d'autres sources qu'Ibn Battuta que les Mongols accordaient une importance très importante à Bagdad. Le Khan mongol visitait Bagdad, parfois 2 fois par an, et il considérait que c'était une des villes les plus importantes dans cette partie de son empire. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose que je voudrais dire sur Ibn Battuta, c'est que c'est un voyageur qui nous a laissé des descriptions extrêmement intéressantes hein, d'une grande partie de l'Empire mongol. Mais c'est aussi, dans son texte, il y a des extraits qui viennent de sources plus anciennes qui ont été recopiées telles quelles. Et on pense vraiment, c'est ce que disent mes collègues qui travaillent sur Bagdad médiéval, que la description de Bagdad qu'Ibn Battuta fait est une description ancienne, en fait. Et que la réalité qu'on peut reconstruire par d'autres sources de Bagdad dans les années 1320-1330 est au contraire une ville qui est en plein essor, en particulier du fait de la conversion à l'islam du souverain Ilkhanid, bien sûr. D'autre part, du fait de la vitalité des échanges marchands dans la région. Hein, c'est la grande période de ce qu'on appelle le grand échange mongol. Une grande période d'échange commercial et une période de paix à l'intérieur de l'empire mongol. Et enfin, autre chose aussi, on a été question pas mal du pèlerinage, je pense que ça, c'est aussi quelque chose de très important. C'est de voir que les Mongols, très rapidement dans la deuxième moitié, la fin en tout cas du XIIIe siècle, vont reconnaître que les Mamelouks protègent les lieux saints, que les Mamelouks permettent l'organisation et l'accès au pèlerinage. Les souverains mongols eux-mêmes ne sont jamais allés au pèlerinage, on n'a jamais fait le pèlerinage. En revanche, certaines princesses, femmes de la cour mongole, musulmanes, ont pu faire, grâce à la protection mamelouk aussi, le pèlerinage et aller à la Mecque et à Médine. Donc en fait, on voit dans ce début du XIVe siècle un monde vraiment transformé par rapport aux violences de la première moitié du XIIIe siècle, mais aussi un monde où finalement les communautés musulmanes se portent relativement bien dans cet espace mongol. Marie Favreau, pour terminer cette émission, à quel moment cet empire mongol commence à se diviser ? À quel moment il n'est plus possible de parler d'empire mongol ?